Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à bordel du mois de mai. Une émission qui va avoir comme sujet le label In Fine. Chaque mois, je vous présente une sélection d'un label. Et là, donc, c'est un label français assez, on va dire, reconnu dans le monde de l'alternative. Donc, on va balayer un petit peu depuis leur création donc en 2006, alors, par Yannick Matré et Alexandre Kazak, qui ont en fait créé ce label à la suite d'une... D'une soirée en concert où ils ont vu un pianiste qui se produisait, Francesco Tristano, et qui a interprété en l'occurrence un morceau d'Eric May, un artiste électro aussi connu, et ils se sont dit tiens, on va créer un label. Enfin, voilà. Donc bref, ça va être intéressant voilà, d'aller un petit peu explorer, parce qu'en fait on m'a proposé de passer des sons de chez In Fine, alors je me suis dit pourquoi pas faire toute une sélection sur ce label. Alors, mon point de vue sur ce label, c'est vrai que bon, comme il est assez coté, on va dire, sur le marché musical, on va dire, il y a quand même aussi pas mal d'artistes qui, je trouve, n'ont pas... Enfin, que je n'ai pas forcément entendu, et en explorant, c'est vrai qu'il y a quand même de très belles surprises. Donc, que je vais vous partager. Autre chose d'ailleurs sur le label In Fine, ils sont chargés du label Warp en France, je ne savais pas. Et il y a aussi l'artiste Agoria, Sébastien Deveau, qui est un artiste d'Isère et qui est très très présent dans ce label, puisqu'il a été aussi à l'origine de sa création. Voilà, on a un label assez intéressant. Dans son contenu, alors c'est assez vaste, effectivement. Alors il y a des artistes que je ne vais pas passer. Peut-être qu'il y en a qui pourraient être frustrés. Mais enfin bon, je vais essayer de faire une petite sélection d'une heure, une heure et demie quand même. Et puis à la fin, on aura quelques petites nouveautés, comme d'habitude. Un petit qu'est-ce que c'est, histoire de voilà, finir l'émission. Eh bien, je vous souhaite, si vous avez envie voilà, de passer une petite heure et demie, écouter, flâner, voilà, un bon moment. Je vais tâcher de partager voilà, cette énergie de label sympathique. Et puis voilà, nous aventurer dans des sentiers parisiens. Pas trop stéphanois. Malgré tout, et Agoria, qui est un Isérois, œuvre énormément sur la radio lyonnaise. Bon, on n'est pas très loin quand même. Bon, allez, on va commencer par un des morceaux donc, qui a participé à la création du label, donc l'artiste Francesco Tristano. Moi, je vais vous passer plutôt un morceau qui me parle le plus parce que c'est The Bells qui est en fait un morceau qui a été créé par Jeff Mills et qui a été interprété donc au piano, donc c'est assez drôle comment il a replacé ce morceau sur un piano. Et donc l'album s'appelle Note for Piano, donc c'est sorti en 2007. Et voilà, après on va commencer par ça et ensuite on explorera davantage. Bon, allez, à plus tard et Francesco Tristano. ¶¶ the Bells. Je l'arrête parce qu'il s'arrête un peu brutalement. Parce que ça a été enregistré en concert et donc ça n'a pas été mixé. Ça s'enchaîne en fait. C'est assez étonnant comme album. Voilà, donc c'était à l'origine de la fondation du label. Alors ensuite, on va continuer avec un autre artiste aussi qui a été sélectionné dans les premiers artistes. Il s'appelle Cubenx, C-U-B-E-N-X, qui est un artiste mexicain. Et là, je vous sélectionne pas forcément un de ses premiers albums, mais un morceau qui date de 2011 sur un album qui s'appelle On Your Own Again. Voilà, c'est une ambiance particulièrement détente. Donc Sierra Madre, Sierra Madre. Ooh. Voilà, on vient de s'écouter The Same, qui est en fait un remix de Cubanks d'un morceau qui s'appelle Man of Dust. Et juste avant, donc, c'était Cubanks avec le morceau Sierra Madre sur l'album On Your Own Again, qui était sorti en 2011. On va s'enchaîner un petit peu avec Lucie Antunes, qui est une productrice percussionniste parisienne, qui est très dans la recherche sonore, qui souvent voilà, et la volonté de faire une restitution dans ses concerts avec un système son assez recherché, poussé, presque un acousmonium pour voilà, avoir une expérience sonore assez intense. Et donc, je l'ai découvert récemment, grâce d'ailleurs au programmateur de Radio Dio, s'il nous écoute. Et donc, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Vous êtes parfait. Hein, voilà, dédicace au programmateur. Et ensuite, je vais vous passer un. On va enchaîner comme ça. Voilà, il y a Don Liner Sect qui est vraiment assez ouf, qui a une sonorité un peu à la Fluston Paradigme, Burial, les sons que je vous avais passés un peu avec Hyperdub. Et ensuite, on va s'écouter Spitzer avec Sergen, qui est un peu un genre de techno assez lourde, avec un son un peu dark techno, assez dans les ambiances un peu alternatives dans les sons qu'on peut entendre dans les... comment dire ? Enfin, vous verrez bien, puisque c'est assez saturé, quoi. C'est, voilà. Et j'aime bien cette déstructuration. Bon, alors, on va écouter Lucie Antunes. Hein. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous. de s'écouter donc Spitzer avec le morceau Sergen sur l'album The Call, sorti en 2012 sur le label Infiné que je présente dans cette boîte à bordel. Et juste avant, on avait Downliner Sect avec un morceau qui s'appelle Silent Ascent qui est sorti en 2014. Et tout juste avant, nous avons eu Fraction, superposition, je ne l'ai pas encore mis. Non, si c'était ça. Et donc là, on va enchaîner avec un artiste que j'ai découvert fortuitement un jour en récupérant un disque, vous savez, dans les SMAC. Avant, il y avait... Enfin, je ne sais pas, partout en France, il y a des SMAC. Et là où j'habitais, il y avait un centre de documentation où il y avait des boîtes à disques. On pouvait se servir. D'ailleurs, à Radio Dieu aussi, on a ce genre de possibilités. Et donc, j'ai découvert Gordon comme ça, par hasard, en prenant un disque et en le mettant dans mon lecteur de disques. Donc c'est un super artiste de électrotechno français. Donc c'est sorti en 2015. Le morceau s'appelle Line 93 sur l'album Bleu Merle. Et ensuite je vais vous passer La Fraîcheur, qui aussi avec une particularité électro. Bien péchu, avec le morceau Plante 21, le morceau Plante 21 est sur l'album Self Frill Falling, sorti en 2018. Et puis après, on aura Rhône, hein, donc un des fers de lance du label, qui est sorti. Donc là, ce sera le morceau Origami qui est sorti en 2017 sur l'album Mirapolis. Voilà. Alors, Gordon, c'est parti pour vos oreilles. J'espère que ça vous plaît toujours. On est toujours dans la boîte à bordel et c'était Rhône avec le morceau Origami qui est sorti en 2017 sur l'album Mirapolis. Juste avant, le truc bien pichu qui s'appelle La Fraîcheur avec le morceau Plante 21 sur l'album Self Frill Feeling Prophecy. Sorti en 2018, et juste avant, c'était donc Gordon avec le morceau Line 93 93, ouais, papa, Bleu Merle, l'album, donc sorti en 2015. Ensuite, je vais vous passer un morceau de harpe. Alors, pas comme les trucs qui sont basés en Alaska, qui font changer le climat. Ça s'écrit A, le deuxième A avec un trait au-dessus RP. Alors, bon. Et le morceau s'appelle AXT slash, ou non, c'est pas slash, c'est underscore 1. Et l'album s'appelle Architecture. Alors, sorti en 2016, c'est des auteurs anonymes, ils veulent rester anonymes comme Daft Punk. Et puis dans 20 ans, ils voudront être connus pour avoir la reconnaissance. Ensuite, je vais vous passer un morceau de Label, L-A-B-E-2-L-E. Elle est belle, alors elle le marque sur son nom de d'artiste. Non, je rigole. C'est une artiste réunionnaise qui est très intéressante qualitativement dans sa proposition musicale. L'album s'appelle O. Orchestre Univers, et le morceau pardon s'appelle O. Et elle fait de l'électro mixé sur des sons qui sont donc à La Réunion assez hétéroclites, hein, puisque bon, La Réunion, c'est la réunion de beaucoup de cultures, hein, donc indienne, culture, il y a Madagascar pas loin, mais enfin africaine, donc du coup il y a des sonorités assez vastes, on va dire, dans les influences. Et elle a même d'ailleurs utilisé un orchestre qui a participé à la composition, enfin pas la composition, mais qui a joué des morceaux avec elle. Voilà, et c'est drôle parce que ce morceau s'appelle O, et il y a eu quelques années une polémique à propos de France O, qui était avant la chaîne RFO, Radio France Outre-mer. Et je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais enfin, je voulais juste me disais, c'est peut-être voilà, où apparemment il y avait des gens qui disaient France 0, comme il y avait France 2, France 3, France 5, et France 0, puisque c'était un O, mais on ne pouvait pas savoir si c'était un O ou un 0. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un accent circonflexe sur le O, qu'on dise pas France zéro, parce que sinon on les aurait. Enfin, ils avaient la sensation d'être dénigrés. Ouais. Comme quoi, des fois, il faut pas grand chose pour. Mais même moi, je disais France zéro, puisque logiquement France 2, France 3, mais sans penser que Radio France Outre-mer, enfin ex Radio France Outre-mer, ne proposait pas un contenu qualitatif. Allez, je vous emmène avec Harpe, donc avec le morceau AXT underscore. Encore des gens qui sont bien barrés et qui sont alors sur leur page Bandcamp inspirés de Square Pusher, Aphex Twin, Otesher et Amon Tobin. On va loin encore. Voilà. We'll be right back. C'était Léonie Pernet avec le morceau Father sur un album qui est sorti en 2018 qui s'appelle Crave. Donc Léonie Pernet qui fait partie donc du, enfin qui œuvre dans le label Infiné et qui est une artiste de Châlons-en-Champagne de la Marne et qui était batteuse de Yuxec. Voilà, et comme Châlons-en-Champagne, la préfecture de la Marne, big up, voilà, à mon département de naissance. Et juste avant, on a écouté donc La Belle, hein, donc c'est, ouais, c'est assez ethnique, avec ses percussions, avec le morceau O. Et juste avant, on avait écouté donc Harpe avec le morceau AXT underscore 1 sur le morceau, sur l'album pardon, Architecture, sorti en 2016. Alors on va se terminer la petite sélection du label Infiné avec trois morceaux. Alors on a Dylan avec le morceau The Saddest Day qui est sorti là cette semaine sur le label avec sur l'album Love Theory. Et Sabrina Belaouel, ça fait bizarre à chaque fois quand je dis mon prénom, parce que comme je m'appelle Sabrina, qui est une artiste donc, du label, avec c'est un remix de son titre Période Point Blank, qui est remixé par Bernadette. Alors, et juste pour finir, j'avais oublié, ah oui, il y aura là maintenant, Dina Abdel-Wahed, parce que voilà, avec un album qui s'appelle alors Connard. C'est pas pour c'est personne n'est visé dans l'histoire, hein, c'est juste que ça s'écrit comme K-H-O-2-N-A-R. Hein. Alors, ce qui est drôle, c'est que son nom de famille c'est Abdel Wahed, et Wahed en arabe c'est un. Hein. Wahed, Zoucht, Leta, Labra, Hamza, voilà. Et alors, Abd, c'est celui qui croit, hein, en traduction. El, c'est celui. Et alors, Abd El Wahed, c'est celui qui croit en un. Et alors, elle a nommé son album Connard. C'est drôle. Je ne sais pas. Si... Et en plus, le titre s'appelle 5 sur 5. Alors, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5, Abd El Wahed, hein, parce que... Il y en a marre. Hein, s'il te plaît... Il faudrait que les choses, elles changent. Méfie ça. Schnell, si tu comprends d'autres langues. Parce qu'apparemment, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais pas très... Enfin, si, peut-être, mais on ne se rend pas bien compte. On est que des humains dans la composante physique, matérialiste. Toi, tu fais partie de tout, même la matière noire, etc. Bon, j'arrête, on est dimanche, ok, j'aurais pu faire mon homélie là-dessus, mais c'est vrai que les prêtres, ils parlent pas trop de tout ça, les mondes parallèles, tout ça. Pff. Enfin bref, donc alors Dina Abdel Wahed, 5 sur 5, Wahed Zoucht, Leta, l'arabe. Labra, Ramsa. Alors Ramsa, c'est très sacré aussi, c'est la main de Fatma. Hein. Donc Ramsa sur Ramsa, ben, ça fait 1, toujours, puisque 5 divisé par 5 égale 1. Wahed. Abdel Wahed. Bon, allez, je soukti. Belaï Foumouk, pour ceux qui comprennent. Ça veut dire... on passe le morceau et passe à autre chose. Hein. Allez, à tout à l'heure pour les trois derniers morceaux. Et ensuite, on ira dans les nouveautés. Il y en a un petit peu. Bon, on va passer un peu de temps encore. 21h54 sur Radio Dio, dans la boîte à bordel. point blank, period, point blank. We'll be right back. Et voilà, c'est terminé pour cette sélection de la boîte à bordel sur le label Infiné. On vient d'écouter Dylan Dylan avec le morceau The Saddest, tout court, non je rigole. The Saddest Day, ouais. Sur l'album Love Theory qui est sorti là, il y a cette semaine. Ensuite, on a écouté Sabrina Bella ou Elle, période Point Blank, qui a été remixée par Bernadette. Et juste avant, donc, on avait eu Dina Abdel-Wahed avec un morceau qui s'appelait 5 sur 5 sur l'album Connard. Voilà, sinon, c'est pas une insulte. Voilà. Et alors, parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas mis ce générique, alors je me suis dit. Éclate bien vos oreilles! C'est pas cool. C'est la fin de la soirée en plus. On est censé se préparer. Oh là là, le vu-mètre, il a. Il a fait. Ouais, une courbe fantastique, elle était magnifique. Alors, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on a? Oh. Mais dans la mesure où Agoria, qui est quand même un des... fer de lance, chantre de ce label. Sur l'album Impermanence qu'il a sorti sur Infiné, il est bien, mais... J'arrivais pas à sélectionner un morceau qui me plaisait vraiment pour l'émission. Mais en fouillant, j'ai vu qu'il avait sorti le 2 mai, là, un morceau qui s'appelle I Feel Love. I Feel Love. Sur un single. Et voilà. Et alors, je savais même pas que Agoria, en plus, il a aussi participé aux créations des nuits sonores. C'est fou, hein. Bon, voilà. Et alors après, je voulais vous présenter quoi donc. Ah oui. Alors, dans les nouveautés, entre guillemets, j'ai été à plusieurs soirées. Et il y a Lova Tarax, une artiste lyonnaise qui avait fait une soirée donc à Gigore et Lozeron dans la Drôme. Et là, il y a son album qui est sorti, qui s'appelle Sophomore. Et donc, je vais vous présenter le morceau Traumen. Que j'avais filmé et c'était drôle parce que voilà, j'ai retrouvé le morceau après la sortie puisque donc on a écouté des morceaux qui n'étaient pas encore sortis. Il y a Le Roi Summer, un artiste qui est lyonnais parisien, enfin j'ai pas bien saisi, mais enfin qui est pas son premier album non plus, et que j'ai vu dans une salle sur Valence qui s'appelle le Vex Club. Oui, à Gigore, c'est Gigore électrique. Et là, c'est Vex. C'est un endroit un peu bar qui propose des soirées où des artistes qui viennent se produire. Une petite salle en bordure de la Seine, d'ailleurs. Ça fait 2 ans que ça existe, ce lieu. Vex, le vacarme exquis. Et donc j'ai découvert, il y avait Le Roi Summer, Alexis Lumière et je me souviens plus de la troisième personne, qui était aussi une programmation bien intéressante. Donc Le Roi Summer. Là c'était plus pour présenter cet artiste qui m'a bien étonnée. Il y a eu une sélection de sons après qui c'était marrant, tout le monde dansait, c'était vraiment un exutoire collectif, c'était cool. Le morceau s'appelle Crève tes yeux et regarde, sur l'album Voué à rouiller. Je vais vous passer aussi donc à Goria, je vous disais donc I Feel Good, et ensuite, je vais vous repasser des morceaux que j'avais, je vais pas vous repasser. Mais en tout cas, je vais faire une petite sélection d'une heure pour faire une petite sélection pour Radio Duo, une espèce de bande. Donc voilà, vous étonnez pas si je parle pas trop. Je fais juste que annoncer les morceaux. Alors voilà, on va commencer par Agoria. I feel good. Mais pas I feel love. Pourquoi j'ai faim? Oh là là, j'ai dit I feel. Ouais, j'ai faim, peut-être c'est ça. I feel good. Agoria. I feel good when I'm with you. Unsere Herrschaft entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Lovatarax et le roi Summer. On va s'écouter Da Brother avec Grumps et Denos MC. J'étais petit, je me suis fait chier dessus par une mouette. Le genre de problème que l'on a quand on habite à 7. Donc aujourd'hui quand je me balade, je mets tout le temps des casquettes. Je veux plus jamais qu'un animal fasse caca sur ma tête. 6 ans plus tard, je me suis tordu très fort la cheville. On habitait dans un appart pas loin du centre-ville. Je suis fatigué, je trouve pas mes clés, je galère en béquille. Je me pisse dessus sur le palier, je déteste ma vie. Mais j'ai du vécu, beaucoup de vécu, des tonnes de vécu. Grave de vécu. Après la fac, j'ai voulu m'inscrire au chômage. Je dis à mes parents, je fais du rap, ils me répondent le fromage. Je me dis ok, peut-être que c'est pas de la musique de leur âge. Mais ils me disent ok, PK pas, depuis je fais du rap. Un peu plus tard, je suis dans mon bain, deuxième semaine de mai. Je suis HPI, je me souviens des semaines de l'année. J'attrape une audite en essayant de faire de l'apnée. Depuis, je mets plus la tête sous l'eau, je veux pas souffrir, ok. Je peux pas vraiment faire demi-tour, changer d'avis. 10 ans que j'ai les mêmes habits, 20 ans que j'ai les mêmes amis. Je sais pas comment c'est ta vie, la mienne c'est des trous de boulettes. Sur la plupart de mes survêtres, très peu de souvenirs dans la tête, non. J'attends le jour où j'arrête de faire des conneries. Si je deviens grand, c'est fini, jamais j'arrête la partie. Tant pis si j'ai pas les codes, si je respecte pas les modes, je rentrerai pas dans les cases, un final en kamikaze. Mais j'ai du vécu, beaucoup de vécu, des tonnes de vécu, grave de vécu. Vécu, beaucoup de vécu, des tonnes de vécu, grave de vécu. C'est pile en shit skunk. Millions de fuites dans le guidon ovni comme Splifton. Charentis jamais les angles, j'suis street punk. No future big bang fonce des petites ponches. Si t'es dans le building, j't'ai dit j'suis King Kong. Quiconque vient me casser les couilles verra Kim Jong. T'es dans la neige, t'es dans le vison, c'est pas ma vision. Bidon, j'lève l'avant, j'suis en G-Funk. Cubic comme la jean, faut bien j'les sinon dis font style de pas me connaître, mais bon, c'est un timon. Tu baffes, tu prends un typhon. T'as trop regardé ce qu'ils font, t'es pété comme le ski de fond. Black belt depuis le biberon, depuis le nichon. J'ai pas de management, fuck un arrangement. Sers pas le jean s'il y a pas le citron. Me sers pas de 10 s'il y a pas le litron, hey. Ta mère la bitch, y'a pas ce qui compte. J'peux pas mélanger à des bitches. Faut pas essayer de changer un chic chic. Le langage me prend pas les sons, le lipstick. C'est de l'algèbre en séjour linguistique. J'peux pas mélanger à des bitches. Faut pas essayer de changer un chic type. Le langage me prend pas les sons, le lipstick. C'est de l'algèbre en séjour linguistique. Je peux rap comme un cyclone, slap sur le vicomte, il me flash, il croit, je suis l'arc de triomphe. Sapé avant Conway The Match, fasse le million. Maintenant je croise que des guerreaux de Saint-Emilion. C'est bien le million, mais faut rester focus, concentré. J'équilibre yin yang, Goombe, je mets KO la prod en 6 secondes. Fuck l'opulence de Richmond, accessoire de Wishbone. Je suis pas un pigeon, je suis le torchon, mais pas le chiffon. Ce qu'ils font balèque, puisqu'ils vont pas me donner la main ni la mallette. Un dé, on vend les livres, les disques en palette. Ils viendront que quand il y aura la lumière sur ta carrière. Prendre ton taf, te la mettre avec un contrat où t'auras 7% dans la schneck. Yeah. Je connais la chanson, la major, la balle. Le MC, le plancton. Alors planque ton taf et la bande son. Puto, puta paye ta pension. Un coup de marqueur, je fais monter le prix de la canson. Et je fais monter le prix de la rançon, yeah. J'peux pas mélanger à des bitches. Faut pas essayer de changer un chic-chip. Le langage me frappe pas les sons, le lipstick. C'est de l'algèbre en séjour linguistique. J'peux pas mélanger à des bitches. Faut pas essayer de changer un chic-chip. Le langage me frappe pas les sons, le lipstick. C'est de l'algèbre en séjour linguistique. Hardcore roughneck. J'ai l'histoire dans mes veines, l'univers dans mes bras. La foi et la fièvre et la fierté des rois. J'écris tout ce qui rend belle. Seul dans le noir, j'y mets toute étincelle qui permet de mieux voir. J'ai tout dit bêtement, j'étudie doucement. Ma tête et les gens, ça match pas forcément. Car y'a plein de magie quand j'écris ce que je pense. Mais parfois ça s'effondre quand s'estompe les cendres. Donc je muscle mon jeu, je fais des frappes et des sangs. J'mets ma voix dans le feu et mon ombre en séance. J'lui dis tout ce que je peux. 360, j'y mets grand dans mes creux et respire quand ça prend. J'écris pour que ça t'aide et qu'après tu me dépasses. J'écris pour faire aux aides ce que m'ont fait certains rap, c'est-à-dire du soleil et de l'espace, c'est-à-dire de l'oseille. Tellement là, ça déboîte, tellement là, ça t'échappe. Mais le verbe t'échappe, place mes vers dans ta bouche et constate ce que tu pêches. C'est pas moi, c'est le texte et c'est toi qui te tresse. C'est l'écho de contexte connecté au fait. Donc au fait, je me présente, Leinos de Chalam, à l'est de Paris, en amont sur la Marne. Je fais du rap de Duper qui retrouve sa flamme. J'écris depuis l'époque où j'ai pété un câble. Du moins, j'ai failli, j'ai dévié des consignes, dévié mes limites pour connaître l'abîme. J'en suis revenu rester. J'écris de l'eau trive, j'ai ma plage, j'y suis bien. Ça dépend de la clim, ça dépend de la rime, de mon corps qui s'ennuie. Mon cœur refroidi en recherche d'abri, en recherche d'amis, en recherche de lui. En recharge, j'oublie tant que j'y pense. Merci, ouais, merci. À l'inspi de cette nuit, au gars qui fait la prod et au gars qui la mixe, aux gens qui m'accompagnent et qui m'accordent crédit, à la glotte et à brille et tout ce que ça veut dire, à ma mère et mon père, pour mes frères et l'amour. J'fais du rap de du père qui se retrouve et savoure. J'fais du rap qui se cherche, qui se ferme et qui souffle. J'ai du rap qui tabasse, qui peut soulever les foules. Oh bah oui, rien que ça, tout texte est loin de moi. Mais si c'est pour l'étoile, je veux bien mon éclat. Je veux bien money time, je veux bien transversal. Je veux bien diagonal, équilibre mental. Je veux bien freestyle, style cool, style flamme. Je veux bien rescode, michic, michlac. J'mise tout, j'garde. Je fais du rap qui te tabasse, je fais du rap qui te rappelle quand tu cherches tes capas. Je fais du rap de petit fou, de clown de la classe, poète de l'ennui face aux failles de la blague, face au vide des programmes, bourrage cérébral. Je fais du rap pour les gens qui se lisent dans mes pages. Et je croyais que j'étais seul, mais bon, non, me ressemble. Pas gentil, pas méchant, mais de justice on le sent. Ouverture dans leur sang et dans leur tête, reconnaissent leurs faiblesses et poursuivent leur quête d'accomplir leur être. Quelle jolie chose, je fais du rap de planète qui s'adresse au cosmos. Je suis un rappeur. Middle class prolétaire, abusé, abuseur qui veut nommer ses chaînes pour pouvoir s'en soustraire. Connaître sa cage, grignoter barreau par aveu qui soulage. Par effort de rap, retrouvailles de corps, recherche de puissance émanant de nos pores. Retrouvailles de force dans les nœuds, dans le vent. Je fais du rap qui supporte les mouvements de délivrance. Les paroles qui se libèrent, réclament en justice face aux armées de terre volées qui régissent les lois de ce monde. J'ai la flamme et la fronde, je fais du rap qui se targue d'être utile à la longue. Rien qu'un brin de courage, un écho de réveil, que la foi et la fièvre se retrouvent. Trouve à tes lèvres, j'ai la fierté des reines et l'info de la teuf. J'ai refusé de m'y perdre car ça plombait mes refs. Meilleur choix que j'ai fait, mais je veux toujours faire la fête. Que la basse me berce et me transperce. Voilà, on vient d'écouter Deneus MC. Juste avant, c'était Grems avec le morceau Vicomte. Et juste avant, c'était Dab Rother avec l'artiste qui vient de Sète. Et le morceau Beaucoup de Vécu. Et on va s'écouter Corps, au pluriel, C-O-R-P-S, avec le morceau Sur l'autoroute. Ensuite, on aura Glauc. Et enfin, Chien méchant. Je préfère marcher sur l'autoroute. Non, je ne veux plus baiser. L'ego dans un verre de glaçon. Le vide dans une nouvelle boisson. La fille dans ma dernière chanson. L'oubli vient chercher sa rançon. L'ego dans un verre de glaçon. Débordé manque, c'est mon poison. Séparé pour être fini cloison. J'crois pas en moi comme en toi. L'ego dans un verre de glaçon. Comme si j'avais jamais accompli. Quand je réussis, tout le monde est complice. Si je rate, c'est de ma faute, c'est trop complexe. Donc l'ego dans le verre de glaçon, je l'emmerde. Ego plus loin que l'horizon de la mer. Rapport d'égal à égal. Rapport d'ego à ego. Ego qui passe par la porte. Ego qui passera la mort. Ego dans verre en cristal. Ego qui fait en plat corde. Ego qui dépasse les bornes. Ego qui montre les cornes. Ego de lendemain de concert. Amour pas propre à manger et borne. Ego qui passe par la porte. Trop de souris dans la tête. Ego totalement en armes. Dans une porte tu as la fête. Ego qui donne de la force. Ego qui fait vivre l'enfer. Ego qui jamène la ferme. Chante vive le vent d'hier. Quand tout était plus simple. Quand tout était plus vrai. Mais bon, le vent diffère. Et moi je peux rien y faire. J'ai toute cette vie à vivre. Même si elle m'indiffère. Chante vive le vent d'hier. Y'a rien qui me rend fier. Je balance des ébauches. Je regarde à droite à gauche. Heureusement j'ai mes coudières. Savoir et vérité finissent par être écho. L'art dans la poubelle à carton. Fini les placebos. Chante vive le vent d'hier. Chante vive le vent d'hier. Quand tout était plus simple. Quand tout était plus vrai. Interdit. Et on se redira. je penserai à toi dans les lieux interdits. Et on se redira que ce soir c'est fini. Mais quelque chose me dit, tu ne seras jamais parti. J'ai perdu toutes mes envies de vivre sans toi. Dans ma tête je ne pense plus qu'à cette dernière fois. J'ai perdu toutes mes envies de vivre sans toi. Dans ma tête je ne pense plus qu'à cette dernière fois. Voilà, on vient de s'écouter Chien méchant. Juste avant, c'était Glauque, et encore avant, c'était Core. Et là, on va s'écouter Lee Perry, Sammy Galbi et Ketout. We love taking on you. We love in your head. Hey. Where you are? C'est Miguel Diaz. Je cherche un moyen qui nous fera. On vient d'écouter Ketut avec le morceau Roi des Enfers. Juste avant, c'était Sammy Galbi. Et encore avant, Lee Perry avec le morceau Real Love. Et ensuite, je vous propose Letfield avec le morceau Full Way Round, Yako Eno Kalevi et enfin Boris Pupul. Down is the honors upon us, falling out to exit. Metal and Square and all peculiar. Powdered back then by the other, brushing their nerves upon the pint's lip. Into a fixed and very easy nullity. Then it's bed and news, and sex driven for a strange second by an old and dulled out rage in a boat. I was in a cab. They took me from east to west, more or less, or maybe from north to south. Either way, the cab drew some important line on a crucifix. I asked the driver was he well, and he turned the radio up against the question. Yeah, just leave us off anywhere here, please. 青蛙的功力，青蛙。当我哋仲摸索紧青蛙声音嘅分别，佢已经有发现另外一种青蛙嘅足迹。 青蛙。 对过海鱼来讲，钓青蛙有两个意义。以前在物资缺乏的时候，青蛙是天然的食物，到了现在是要人用来了解青蛙的习性和可爱。 Voilà, on vient de s'écouter Bolis Pupule avec le morceau Frogs. Juste avant, c'était Yako Eno Kalevi. Et juste avant encore, Letfield avec le morceau Full Way Round. On va se terminer avec Dead Fader, Bruit Fantôme et Dosseur. On commence par Dosseur. We'll be right back. Thank you. s'écouter Dead Fader avec le morceau Black Maze. Juste avant, c'était Bruit Fantôme avec World Weird 2. Et juste avant, c'était Doser, D-O-2-S-E-R, avec le morceau God. Eh bien, je vous laisse sur cette maxi-sélection. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Oui, c'est bientôt la déclaration des impôts, mais c'est peut-être un lapsus, ouais, il va falloir que je m'y attelle. À très bientôt dans cette boîte à bordel. Et on repart sur le traditionnel.